Ja, givet du se fjanso, so, solda, so, dete, so, kota, so, bene, so, nefwa, so, fresh. Laissez passer les tigas, protéger, rentrer les chatons, la rue parle sans mytho, sans fêlé, sans radio, sans télé, pendez-les, pendez-les. Où est pour ces mecs sont dingues, lions dans la jungle, ils restent tous de flinguer mon gang. Fumez-les, fumez-les, parlez à pas, fumez-les. Résonne de blanc coq à Baltimore. Man, je t'écoute bien qu'on m'attend. Je serai jamais ce combattant. La vie est une bataille, on peut connaître quelqu'un quand le combattant. Ce qu'il faut faire, on le fait. Mais fiance, reste froid. On n'est pas le meilleur quand on croit. On est le meilleur quand on le sait. Fais pas semblant de nous chercher, on bouge pas, parle pas de fuite. Encaisse la barre du champion et toute mon équipe retweet. I'm back, I'm back, motherfucker, I'm back. Comme un grand blanc dans la coin, balle rentre dans Coliseum. Google-moi jusqu'au bout des lèvres. Check que Sofiane ne plus célèbre. Des étoiles au fond des télés. Ferme ta gueule, histoire de juste pour voir. Wow, wow, au nom du yep et du bla et du ba. Wow, wow. Qui veut toucher flamme, son soldat, déterre, contact, béné, 9-3, fresh. I'm back, motherfucker, I'm back. Est-ce la raconte? Bandez-la, y'a du monde, on est là. T'en prends 10 kills, t'as comprendre la vraie. Rajoute bien, ça dépend de quoi, ça dépend de qui, ça dépend de ouais. Noie ta vie dans de grands liquides, c'est toi qui décides si tu fais la drift. Rien ne m'arrête, remballe ton équipe, toi qui tire à vie, toi qui fais pas de bif. Tu voulais ta place dans le game, t'y es. Sauf que c'est pas le même billet. Accroche-toi et rejoins-nous en Champions League, en NBA. Baby, mets-toi pas balle pour encaisser cette perte. Que je rentre dans ta vie, un cancer, problème à tête, cherche. Les soucis sont pas les nôtres. T'attends que je me vaux du temps à faire le fier. Frère, tu reviendras sucer comme les autres. Je suis tout seul dans ma prise, ma chute solide comme mes pêches, tout chalant comme on a son stem, la DN de mon ADN a du talent. Tu veux toucher flamme, son soldat, déterre, contact, béné, 9-3, fresh. I'm back, motherfucker, I'm back, est-ce la raconte, bandez-la, y'a du monde, on est là. Tu veux toucher flamme, son soldat, déterre, contact, béné, 9-3, fresh. I'm back, motherfucker, I'm back, est-ce la raconte. Combat de rue, les scores, l'oseille. J'entends qu'on parle tellement de moi, j'en ai du sang qui sort de l'oreille. J'reste embarrassant, j'ai l'insulte facile, l'accent. Need money, gang, c'est la roja, c'est les 4400. Pourquoi tu me dois? J'dois rien à personne, j'ai pas d'ardoise. J'fais pas de rap pour ta copine, connard, mon flow c'est Star Wars. Pas de sécu, font les ballons, même claqué, j'reste conducteur. La prod c'est pas la ville, le sud c'est pas les restos du cœur. Fianso, fianso. Hey, t'inquiète même pas. Need money, gang.